force ennemie, troisième partie, chapitre 5. Je ne dirai rien de la pointe à pitre. J'ai été malade tout le temps qu'a duré le déchargement. Nous avons relevé pour la Martinique où nous arrivons ce matin. J'ai appris que Madame Letellier, femme du gouverneur de la Guadeloupe, souffrante elle aussi, ma pauvre petite princesse, était allée se rétablir à Saint-Pierre. C'est pour cela que je suis encore à bord de l'Augustine Bourdon. J'ai 5 francs pour monter mon ménage à la Martinique, car j'ai versé 10 louis au capitaine pour mon mois. Nous avons mis exactement 30 jours à venir du Havre jusqu'ici. Je compte 22 jours du cap de la Hève à la rade de la pointe à pitre, traversée extraordinairement rapide, 6 jours pour décharger, 1 jour pour lester, et 24 heures pour filer grand largue d'une colonie à l'autre. Il paraît que ce n'est pas l'usage de payer sur le bateau, que l'on doit s'arranger au retour avec l'armateur. Mais j'ai déclaré à Le Coatmaber Gastmélène que je n'étais pas sérieux, que je ferais des bêtises à terre, et il a consenti à me rendre service en me débarrassant du dangereux métal. Comme cela, je ne volerai pas la compagnie des clippeurs antillais. Car vous savez d'avance que je ne remettrai jamais le pied à bord du trois-mâts dès que j'aurai pu opérer seul une petite descente sur le souriant rivage qui s'infléchit là-bas en croissant vert. Non que l'on m'ait maltraité sur cette bienheureuse Augustine Bourdon. Le capitaine est décidément un brave homme, parfois quinteux, mais en général rempli de mansuétude, quelle que soit sa férocité verbale. Malheureusement, les autres voiliers ont déjà raflé toute la récolte de la colonie, et ce n'est pas en allant charger du campêche en Haïti ou ailleurs que j'aurai la moindre chance de pacifier ma petite princesse et de gagner les sommes dont j'ai un absolu besoin si je veux l'enlever convenablement. Et tandis que Le Coatmaber Gastmélène s'impatiente un peu injustement contre le médecin, retenu par 2 maudits bateaux morutiers qui apportent de Terre-Neuve, en plus de leur odorante cargaison, l'influenza et la pneumonie infectieuse, je repasse les souvenirs de mon étrange traversée, tout en m'extasiant, avec Morone, sur l'incroyable beauté du paysage caraïbe. Vert de tous les verts dans le bleu diaphane, tout frémissant de profondes végétations, égretté des hautes palmes luisantes des cocotiers, sur la grâce de la longue ville polychrome, nonchalamment étendue sur les dernières ondulations des mornes, de chaude, de claire, de sombre émeraude. Oui, ça a été un bizarre voyage. J'ai embarqué de la légume et du charbon pour le cuisinier. J'ai fourbi les cuivres des roufs et de la chambre. J'ai appris à briquer un pont le matin avec les matelots, à faire disparaître dans la journée de ces planches d'un blanc rosé les moindres traces des oublis des chiens emmenés par le capitaine. J'ai nettoyé les cages à poules et la bouteille, sport charmant. Il m'a fallu travailler dans la mâture, perché sur le marchepied en filin des vergues, quand j'avais déjà bien du mal à me tenir. Je me suis habitué difficilement à ces besognes aériennes, et ma poltronnerie a souvent prêté à rire à mes compagnons plus aguerris. Mais vraiment, les premières fois surtout, c'était affreux. Par le gros temps, les enfléchures paraissaient devenir, au balai désordonné des vagues, tantôt de trop fragiles élastiques, tantôt des lames terriblement tranchantes, car je devais monter dans le gréement, nu-pieds, comme les camarades. Le ciel noir, le vol fou et les cris aigres et lugubres des goélands augmentaient ma terreur. Je me prenais à croire parfois que j'étais un damné dans un enfer gélide et sombre où de brutales trombes d'eau remplaçaient les flammes. J'ai acquis un certain nombre de talents. Je sais lover les drisses et les calebas, galipoter les mâts, faire de l'étoupe avec de vieux cordages et surtout récurer sans tripoli, ce dont je ne suis pas médiocrement fier. Mais, si satisfait que je sois de moi-même, je n'arrive pas à convaincre le capitaine de mes aptitudes nautiques. De temps à autre, quand je m'avise de montrer quelque vanité, après la conclusion d'un travail que je juge tout à fait remarquable et peut-être surhumain, il hausse les épaules et me dit sans méchanceté, avec un dédain plutôt cordial. « Oh, vous êtes un bon petit vieux jeune homme, mais vieux, vieux pour tout cela, et puis froussard et feignasson. Vous ne serez jamais foutu de commander même une marisalope, une de ces dragues à vapeur qui enlève la vase des ports. Je ne vous fiche plus à la barre, même en pleine mer, vous ne faites que des embardées. Et dans les atterrissages, je commettrais un crime en vous laissant au gouvernail, car ce serait alors que j'aurais envie de suicider mon équipage, et moi avec. » Il doit avoir raison, mais je suis vexé tout de même. Surtout depuis qu'il a refusé de m'apprendre à faire le point, en m'affirmant que j'étais trop idiot pour y foutre goutte. Nous avons aussi passé quelques nuits désagréables avant de reconnaître les Açores. Les heures noires n'étaient jamais bien réjouissantes en plein océan, tant que nous sommes restés dans la zone dite tempérée. Les ténèbres opaques, sans la vacillante clarté de la plus petite étoile, le froid inquiétant et comme hostile, les bruits trop lents et tristes de la mer qui semblaient cracher des menaces, les lueurs louches des feux de position dans la brume des rêbes, les cris sinistres de l'homme de Bossoir perdu à l'avant, penché sur le gouffre d'encre, les navrantes sonneries d'heure en heure, tout cela parlait de mort et d'abîme. Mais si un fort coup de vent se mettait de la partie, la vie n'était plus tolérable. Quand, accablé de fatigue, à peine réchauffé par nos couvertures, nous étions réveillés en sursaut par l'affreux cri « En haut le monde !» Je me sentais une âme d'assassin. J'aurais volontiers étranglé le capitaine, le second et le maître d'équipage par-dessus le marché. Nous bondissions hors de nos cabanes, à demi vêtus, en pantalon et en tricot, sans même songer à remettre nos bottes, et nous jaillissions littéralement du poste des matelots. Nous titubions sur le pont balayé de lames glaciales. Nous roulions les uns sur les autres, nous relevions, et c'était une confusion de chocs, de chutes, de sauts épileptiques sur les planches glissantes, visqueuses, puis inondées, une folie d'ordres et de contre-ordres, une démente gymnastique d'escalades et de dégringolades dans les hauts bancs, sur les unes, sur les marchepieds de grands voiles, de fixes, de volants, de perroquets et de cacatois, puis de nouveau sur le filin de la basse mâture, sur les unes, sur les enfléchures dansantes mais plus solides à mesure que l'on descendait, puis sur le pont douché, comme un patient de bidôme. Et l'on se retrouvait grimpant ailleurs dans le noir, dans l'ouragan et les souffletants, les brisants paquets de mer. Les doigts cédés, se décollaient du chanvre goudronné, se ragrippaient éperdument. Tant pis pour les ongles qui s'arrachaient. Au matin, on constatait qu'une chaloupe avait disparu. ou qu'un rouf avait été à moitié démoli, et par de beaux temps bleus et allègres, nous rétablissions la voilure et refilions grand largue ou vent arrière sur la mer de lapis lazuli fluide qui roulait encore de petites collines d'eau, assez dangereuses malgré leur souriante luisance céruléenne. En tout cas, je n'aurais pas brillé comme marin. Le capitaine, révolté de mon affreuse maladresse et de mon ahurissement, a tenté par deux fois de m'ouvrir les idées en me mettant au fer après des bêtises de calibre par trop monumental. Mais il a dû abandonner tout espoir de faire en moi un gabier tolérable et sans console en me chargeant des corvées les plus particulièrement sales et répugnantes. Comme ce n'est pas, je le répète, un mauvais homme, en dépit des qualificatifs stercoraires dont il me décore à l'heure et à la journée, comme il a le grog facile et se montre assez jovial les jours de belle brise, je garderai de lui un souvenir qui n'aura rien d'effrayant. Ecmohone, cet ex-mangeur de coucris un tout cru fait le mort, s'abandonne complètement. Ce n'est que la veille de notre arrivée à la pointe à Pitre, par mer calme et sous un ciel joyeusement diamanté de rires d'étoiles, qu'il se réveille pour m'adresser ce reproche bien digne d'un aldébaranien plein de mauvaise foi. Ah, ta hideuse peur est si violente qu'elle a fini par m'affecter, moi le brave des braves de Tkoukra. C'est abject et ridicule. Il a été si parfaitement anéanti par l'épouvante qu'il n'a même pas eu le courage de se sauver et d'aller voir à Paris, loin des tempêtes, ce qui se donnait à son cher ambigu. Mais moi, je lui échappe pour quelques heures, assez involontairement, du reste, pendant notre dernière nuit à la mer, entre la Guadeloupe et la Martinique. Je ne crois pas qu'il soit possible d'attribuer ce que j'ai vu alors à un rêve. Nous venions de nous lever pour remplacer les tribordés. Il était minuit, mais l'azur nocturne était si limpide que je me figurais, à certaines minutes, vivre au centre d'un immense saphir, sombre mais admirablement transparent. J'étais éveillé comme à midi, occupé à parer des manœuvres sur le râtelier de grand-mât. Je vois encore les défauts du filin, des bosses, des écorchures, et distingue nettement deux petites taches de coaltar sur la drisse de perroquet. Tout à coup, je me sens comme grandir, comme monter dans l'air. Puis je sais, à n'en pouvoir douter, que je ne suis plus dans mon corps. Je l'aperçois au-dessous de moi, ce corps, faisant des mouvements identiques à ceux que mon instinctive volonté lui communique d'ordinaire. Puis il diminue et disparaît. Me voici flottant, vague et impondérable, dans une atmosphère de plus en plus bleue. Je traverse des zones lumineuses où tremblent de longs rayons bleus, verts, argenté, d'or blême, d'opale blondi. C'est splendidement beau, mais, malgré mon état immatériel, je suis encore trop près de la vie terrestre pour ne pas souffrir de l'horreur du gouffre et de cette sensation que je suis perdu en le sublime inconnu de l'infini. Qui me retrouvera dans cette immensité? Qui aura pitié de moi? Une voix me rassure. Est-ce la voix de Jeanne Stolz, de la femme jadis aimée, que me destinait le généreux Elzéar? Non. Et pourtant, les paroles qu'elle prononce sont de celles, trop sublimes, que comprend faiblement ma médiocre intelligence. Je ne puis m'en faire qu'une très inexacte, très incomplète, très lointaine idée, sans doute obscurcie par de grossiers contresens. Mais je devine, me semble-t-il bien, que certaines âmes humaines sont, par exception, trop suavement belles pour n'exister qu'enfermées dans leur triste prison de chair. Que chacune d'elles a son double, pareil aux plus scintillantes étoiles, en d'éblouissantes constellations invisibles pour le monde terrestre. Et que je flotte vers le reflet stellaire d'Irène. Très vite, je franchis des espaces énormes dans une lumière de plus en plus adorablement troublante. La nuit du vide n'existe plus pour moi entre les archipels de monde. Voici des systèmes solaires que ne révèrent jamais les astronomes de notre planète. Des myriades d'étoiles qu'on dirait faites d'idéales pierreries. Et combien mesquine est cette comparaison. Puis, dans l'aveuglant abîme, un astre grandit, grandit, paraît monter à ma rencontre, m'encercler, m'emprisonner dans ses éclatants horizons. Je suis comme captée par l'immense sphère d'or rose qui monte encore autour de moi et va m'absorber. Il me semble que je roule, un esprit, que je tourbillonne dans des flots de clarté de plus en plus douce maintenant. Enfin, je touche en quelque sorte le bel astre aimé, aimé, oui, puisqu'il dépend d'Irène ou qu'Irène dépend de lui. Une forme s'éloigne. Est-ce celle de Jeanne Stolz, toute vêtue, croirait-on, de rayons de soleil tissés? Est-elle morte, Jeanne? Où son âme est-elle venue à mon secours, du fond des radieux océans du sommeil? Ma bassesse intellectuelle m'empêche de jouir complètement de ce qui m'entoure. Je suis sûre que, dans le peu que je vais essayer de dire, je vais tout caricaturer, tout rapetisser, tout matérialiser. En ce décor inconnu et presque indescriptible, si supérieur à ce que je suis ordinairement capable de voir, je m'imagine, sans doute par un effet de mon aveugle grossièreté, rencontrer des choses lointainement analogues à ce que j'ai contemplé de plus beau sur le globe sublunaire. Je me figure distinguer une flore. J'aperçois comme de grands bois dont les arbres ne sont que des fleurs. Rien que des pétales, des corolles, des calices embaumés, bercés par une brise qui est, elle-même, un parfum distinct des émanations florales, mais également suave. Toutes les nuances du rose parent ces gigantesques bouquets fluctuants. Certains de ces roses, d'un rose de lèvres de brune, sont si incroyablement émotionnants et voluptueux, si je puis parler ainsi, que j'ai l'impression qu'ils me font une âme neuve. Souvent, une fleur se dresse seule, aussi grande qu'un arbre, et d'une forme si divine, d'une senteur si enlaçante, c'est le seul mot qui rende un peu ridiculement ce que je ressens, que l'air jouant autour d'elle tuerait de trop grand bonheur un être humain normal. Désincarnée, je puis la respirer impunément, et même, éperdue de joie, me fondre en quelque sorte en son enivrant nuage incarnadin. De grands oiseaux prismatiques volent entre les cimes des arbres fleurs, où ils se posent parfois comme des caresses de lumière. Leurs chants aux notes lentes évoquent de magiques passés plus charmeurs encore que ce splendide présent. Le ciel est rose et or. Des sources roses traversées d'éclairs d'or fluent, dont la musique ne peut se comparer qu'à celle de harpes qui auraient, absurdement, des cordes de cristal. Et, allons plus loin dans l'absurdité, de cristal vivant. toute cette nature est comme nimbée et pénétrée en même temps de gaieté tendre. Je flotte en les parfums roses des bois, en la radiance apaisante des clairières, en toute cette douceur, en toute cette beauté, que je sens être une infinie bonté, manifestée par de transportantes images et par un immatériel bien-être. Et, bien que follement désireux, de ne jamais quitter cette atmosphère de délices dont je n'ai su donner aucune idée vraie, je me sens inharmonieux, brutal, déplacé dans ce milieu de trop éthérée suavité. Une force bienveillante, attristée, je le devine, de me sevrer de joie dont je suis indigne, me chasse presque malgré elle. Toutefois, au moment de quitter la délicieuse étoile qui me semble pâlir, avant même que je l'aie abandonnée, m'apparaissent tout à coup, plus diaphane, plus aérien que le reste du surnaturel décor, de merveilleux, d'invraisemblables palais de rêve et des végétations de prodiges. Ce sont les domaines imaginaires de ma princesse. Et, un peu à l'écart, s'élève plus nette, plus fermement dessinée, une sorte de grande villa antillaise à vérandas et à piliers comme de lumière blanche. Une mer ruisselante de soleil atteint presque son large perron neigeux, serti de roses pourpres, et lance une pluie de brillants irisés vers la forêt de cocotiers qui l'étreint et dont les longues pennes d'or vert frôlent ses hautes galeries. Je crois l'avoir déjà vue, mais où? En songe ou dans une autre existence? Et je me suis réveillée, au bruit de l'appel au quart, sur le pont de l'Augustine Bourdon. Autour du voilier, maintenant, quelques heures après que j'ai fait cet étrange rêve, les embarcations des Noirs, yoles fines et pointues des deux bouts, peintes de tous les bleus, de tous les roses, de tous les verts, décrivent de longues courbes sur la tranquille rade, couleur queue de paon. La plupart vont à la pêche ou en reviennent. Quelques-unes portent des promeneurs blancs, noirs, cuivrés, bronzés, citrins, ambrés, de ceux pour qui l'arrivée et le mouillage d'un voilier sont un captivant spectacle qu'il manque rarement. D'autres sont montés par messieurs l'arrimeur, le charpentier, le calfat, le boucher, des marchands de fruits, jaunes et luisantes bananes, oranges énormes, parfumées et savoureusement mûres, malgré leurs nuances d'émeraude sombre. Ananas écailleux, mangos, pommes cannelle, avocats, sapotilles, etc., etc. Et tous les fruits, rouges, verts, jaunes, violets, maïs ou ocre, sont délectablement bons à la Martinique, peut-être meilleurs que partout ailleurs, sauf les fraises pays, d'un magnifique et luisant rouge entre rubis et grenat, superbes mais détestables. La petite goélette de Missier Dominique, le pilote-major, nous quitte, gracieusement virante, comme un goéland qui serait tout blanc, les ailes étendues et gonflées de brise. De grosses gabarres se traînent sur le flot à la queue leu-leu, chargées de barils de rhum, de boucaux de sucre et d'emballages fantastiques. Des mariniers vocifèrent, perchés sur les ballots, courant sur les grandes caisses, ceux-ci d'un noir brillant comme une cassure de réglisse, ceux-là tabac sombre, fève tonka, chocolat frais, palissandre poli, très vieux chêne terni, fumé, café grillé, café au lait, or sombre, jaune ambré, jaune mat. On vit beaucoup sur l'eau et dans l'eau ici. Des centaines de baigneurs, de 6 à 60 ans, courent sur la plage. Cabrioles avancent dans la mer, toujours galopant, s'allongent sur le flot, se lancent à la nage, barbotent comme des terre-neuves, bondissent et se bousculent comme des troupes de marsouins. Là-bas, sous les grands arbres du mouillage, une foule aux vêtements d'un coloris vénitien s'agite, va et vient, semble processionner, d'un éclat incroyablement gai, dans tout ce vert intense, doux et profond. Enfin, la santé nous aborde, nous arraisonne et nous accorde la permission d'aller à terre. On descend le you-you à l'eau, puis on largue l'échelle de commandement. Le capitaine et 4 matelots, dont je suis, selon la promesse de Lekoatma Bergast-Mélen, prennent place dans ce you-you, dans cette yole, et en route pour le marché du mouillage. Sous la haute voûte de verdure, il fait une chaleur un peu entêtante, mais délicieuse, dans les parfums des fruits et des fleurs. La fontaine à large vasque tintante chante sa chanson fraîche et la brise de mer, encore légère, fait doucement osciller les arceaux de feuillage. De grandes femmes sveltes et nonchalantes, sombres yeux caressants, carnation noire, mort dorée, chaudement pâle ou à la fois brunes et délicatement rosées, poitrine bombée, hanches en forme de lyre, habillées de longues et multicolores gaules traînantes, coiffées de madras flambants, d'un jaune solaire ou teinté d'aurore ou de couchant, circulent, onduleuses, d'un pas balancé, entre les étalages de citrons verts et de piments écarlates, d'aubergines violettes, de tomates, de bananes, de tous les fruits antillais, chatoyants et comme vernis, de poissons sur lesquels frémit la lumière et qui sont des joailleries d'or rouge, d'argent et de nacre bleu et rose. Tamisée pourtant par les frondaisons, la clarté devient parfois si vive, surtout dans le halo rayonnant qui semble émaner des aveuglants piments et des citrons verts, que l'on jurerait que les étalages vont prendre feu. Là-bas, de grandes palmes se balancent dans l'air bleu poudré d'or. Un gros petit boucher noir et luisant comme une mûre fait, avec son coutelas, une musique étourdissante sur l'une des tables de pierre, à seule fin d'attirer la clientèle. Une vieille bonne femme assez fuligineuse, auréolée d'un madras potiron et lilas, lui réclame avec acrimonie un petit morceau de viande qui manquait, paraît-il, à son poids hier. L'homme au coutelas répond dans un magnifique créole, matinée de Montmartre, car le Montmartre arrive jusqu'aux Antilles aujourd'hui. Ou pas faire vie bas ton chaise comme ça, foutez quand? Il répète 3 ou 4 fois cette sommation sur un ton de plus en plus menaçant. À la fin, la bonne femme perd courage et se résigne à suivre la vie si énergiquement formulée. Non, toutefois, sans s'être soulagé le cœur en lançant à son ennemi cette suprême insulte antillaise, insulte neutre qui se jette aussi bien à une femme qu'à un homme. Foute salope! Vaincu par tant de gentillesse, le boucher la rappelle et lui donne son petit morceau, et rit, à croire que sa bouche va lui faire le tour de la tête. La chaleur est de plus en plus ensommeillante sous les arcades vertes. Mais la brise prend de la force et son souffle tiède paraît exquisement aiguisé de fraîcheur dans tous les parfums de fleurs et de fruits qui combattent les âcres et brûlantes senteurs des romeries où il y a comme un mélange de caramel, bien entendu, de peau d'Espagne et de tanne. Les longues et robustes et souples femmes s'alanguissent encore et semblent glisser, flotter, leurs beaux yeux à demi-clos, au-dessus des dalles d'un rose presque mauve dans l'ombre verte où s'infiltre une bruine de topaze. Nous voici, nous, les quatre matelots, chargés comme des consciences de politiciens. Le coat Mabergast Mélène nous regarde avec satisfaction, plié sous le faix. Puis il a pitié de nous. « Tiens bon, garçon, y en a assez comme ça. Autour du cuisinier de rigoler, quand il va nous voir embarquer tous nos vivres. » Nous n'avons guère de chemin à faire pour regagner le Yuyu. Mais nous sommes terriblement alourdis par les sacs de pain, de légumes et de fruits, les paniers de viande et de poisson. J'avais bien l'intention de profiter des allées et venues des acheteurs et acheteuses pour disparaître dans cette petite rue toute verte qui s'ouvre entre deux hautes cases de bois à balcon frêle et à véranda. Par malheur, le capitaine ne me quitte pas d'une semelle. Je ne pense pas qu'il y mette de la malice, mais il est de belle humeur, en veine de causer, et j'ai la malchance qu'il m'ait choisi aujourd'hui comme auditeur. Mais au fait, j'entrevois maintenant un petit projet d'évasion plus facilement exécutable et bien plus simple que le premier, ne nécessitant ni bousculade ni trop éperdu. Attendons à ce soir.